On the rocks, même à l'envers, on the rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un va mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the girl, I'm the girl. On the rock. Bonsoir messieurs, dames, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs ou presque de 19h à 20h30. Je dis ça, mais il va y avoir une grande pause bientôt de 3 semaines je crois dans The Rocks. Enfin, je vous redirai ça. Mais ce soir, pour me faire pardonner de cette absence prochaine, il va y avoir du beau. Et du beau. C'est le thème de l'émission ce soir. Je ne suis pas seul, je suis avec Sylvain Trémaux qui a son rond de serviette désormais dans ce studio, qui vient de faire quelque chose de très beau, c'est d'arriver sous la pluie en vélo, au ralenti. C'était beau. Facile pour moi, facile. Facile, peut-être moins facile que la battle de ce soir, dont le thème est donc du beau. Donc fini les petits trucs rigole-toi, les trucs non. Un peu ridicules. Non, pas ridicule, pas non, ridicule. Non, mais un petit peu, tu vois, où on se... Qui frotte un peu les oreilles. Voilà, quoi. Où on se regarde à travers la vitre en riant bêtement. Ça arrive aussi. Bon, peut-être qu'il y en aura quand même, on sait pas. Enfin, ça va être que du beau, on va vous envelopper de beauté et de douceur, mais il va y avoir le coup de cœur ce soir d'abord, avec un single qui vient de paraître que je trouve bien sympa d'un monsieur. Alors moi, je n'avais jamais entendu parler, peut-être que toi oui. Il s'appelle Owen Marshildon. Pas du tout. Je connais pas. Ben voilà, écoute, dans sa famille peut-être, mais ici non. Mais en tout cas, le single vient de sortir et franchement, il est sympa. Il y a pas d'album pour l'instant. Je crois qu'il fait de la musique depuis 20 ans, donc on est un peu passé à côté pendant un moment. Le morceau s'appelle Heavy Dreams et ben voilà, tu vas poser l'oreille dessus et je pense que ça peut-être te mettre en joie et finir de te sécher. Mais je suis tout à fait sec. Il est très bien équipé. lasse pas. C'est très très bien ça. Ben oui, merci. Alors ça, c'était les Sokoi Fever, dont le guitariste, compositeur, arrangeur, oui, producteur, voilà. Et ici même, c'est Sylvain Trémaux qui est en face de moi. C'était Permanent Struggle avec un solo de guitare. Ça, et là, il y a un solo de guitare. Là, t'as pas fait semblant là sur non, celui-là. Non. Et puis de la basse qui bastonne. C'est ce que je me disais. Quelle grosse basse. Et ça, ça fait du bien. C'est du dernier album, ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà, je vous conseille vraiment ce dernier album des Sokoi Fever, qui date un peu maintenant. 2023. Mais qui a un son très actuel. on dirait du 2024. Déjà, hein, t'as vu? C'est vrai. Ouais. On défie le temps. Bon, est-ce que tu auras, avant notre battle, est-ce que tu aurais une anecdote particulière sur ce morceau? Permanent Struggle. Du croustillant. Du rigolo. Croustillant, je sais pas, parce que tu sais, c'est assez austère, la réalisation d'un disque, c'est ce que je me disais en écoutant sur cette chanson, j'étais content de moi autant que je puisse l'être. Bah tu peux parce que d'avoir démarré sans guitare, la chanson démarre sans guitare et finit avec je sais pas 5 ou 6 guitares. Oui. Voilà, mais c'était un petit défi de démarrer sans guitare en fait. Enfin de voilà. Alors, si on veut avoir une idée de ce que c'est qu'une section rythmique. Oui. Pas mal, le et alors pour le coup, une autre anecdote croustillante me vient sur la rythmique concernant cette chanson. Il y en a peut-être une ou deux autres. Non, c'est la seule, je crois, sur le disque. Quand on a enregistré la batterie, la chanson était toute neuve en fait. On était parti sur une certaine version, une certaine structure. C'était juste après l'arrivée de Nicolas, notre bassiste actuel, fin 2018. On avait un petit créneau là où on avait du matériel pour enregistrer la batterie fin d'année 2018, oui c'est ça. Donc il a fallu qu'on répète tout un tas de chansons, mais juste ce qu'il fallait pour qu'au moins la batterie tienne, dont celle-ci. On a enregistré les batteries, voilà. Et puis quelques mois plus tard, cette chanson-là a évolué en fait un petit peu sur certaines parties, mais on avait déjà enregistré la batterie. Donc il y a des parties qui sont demeurées telles qu'elles avaient été enregistrées et d'autres pour lesquelles fallait changer. Et en fait, il y a toute une partie de la chanson qui est faite à partir de samples. D'accord. De la batterie, des coups de batterie joués par Arnaud ou des parties qu'il avait jouées sur d'autres chansons à d'autres moments ou sur cette chanson-là mais à d'autres moments où j'ai pris des bouts de rythme voilà et sur certains tronçons, c'est un rythme qu'il a pas joué et que j'ai reconstitué avec ses coups de batterie à lui en fait. C'est ça qui est toujours sidérant quand tu me racontes, c'est qu'on a l'impression que c'est très spontané, très d'un bloc très frais et en fait non, c'est de la dentelle. Ouais, un peu ouais. C'est un peu de la dentelle. Les Sokoi Fever. Tu l'as eu ton anecdote. J'en vois une à chaque fois. Prépare-toi. Donc c'était tiré du dernier album des Sokoi Fever. Et Sylvain Trémaux n'est pas là pour jouer de la musique ce soir et faire des solos de guitare avec les dents. Il est là pour nous livrer en cadeau. J'aurais une autre anecdote sur les solos avec les dents, mais pour une autre fois. Ah ça peut être. Oui, d'accord. Et bien ça peut être un thème ça. Anecdote. Et donc ce soir c'est du beau, du pur. De l'élégant, voilà, vers du le magnifique. Élevons-nous vers le beau, vers le ciel. Élevons-nous vers le beau et c'est toi qui vas commencer. Bravo. De rien. Je vais commencer avec Love, le groupe Love. Ah, Arthur Lee. Ouais, Arthur Lee, le charismatique. Ah, oui. Arthur Lee, un peu méconnu, enfin ou pas connu à sa juste valeur. Oui. Connu par les gens qui s'intéressent un peu à la musique, mais les gens des pénitenciers aussi le connaissent un peu. Aussi, oui, parce qu'il a mal tourné comme d'autres. La drogue a complètement laminé le groupe assez vite. Donc c'est un groupe. De Los Angeles, typique du Los Angeles de la fin des années 60, c'est-à-dire psychédélique, une musique assez éclectique, empruntée au garage au début, la pop, des petits côtés un peu latino aussi. Un groupe assez inclassable et assez incomparable, notamment par cette légèreté, cette subtilité qu'on retrouve dans pas mal de morceaux. Un truc un peu assez doux finalement, moi que je trouve très beau d'une manière générale. Et cette chanson en particulier qui m'a toujours fasciné, je dirais. Alors le nom est à rallonge. Donc je te le laisse. Maybe the people would be the times or between Clark and Hillsdale. Voilà. Bon. C'est-à-dire, si tu veux la réclamer en concert et que tu la cries, ouais, le concert a déjà fini. C'est ça. Voilà. C'est une allusion au Sunset Strip, Sunset Boulevard, c'est-à-dire l'avenue à Los Angeles où il y a tous les clubs de musique. Et c'est une chronique de la jeunesse de l'époque qui sortait, voilà, l'espèce d'ode à la jeunesse, à la liberté, un truc très ouin ouin, hein, c'est très premier degré, mais c'est ça qui est beau aussi. Et il y a un truc dans cette chanson, dans le rythme, pour le coup très latino, et puis un procédé d'écriture qui m'amuse toujours, il finit pas les phrases, un peu comme moi là maintenant. Et le dernier mot qu'on attend par rapport à la rime, par rapport au sens. Et le début de la première. La phrase d'après. Ça c'est pas mal. Voilà. Parce que toi tu ne fais jamais. Non, j'ai pas fait ça. Et sauf au milieu où pour le coup le mot arrive au bon moment et où il répète, il le scande et voilà. Et puis il y a une partie de scat où la voix double la trompette. Enfin, ça pourrait être ridicule, mais je trouve ça très beau. Mais c'est ça, c'est jamais ridicule Love, ça pourrait. Il y a tous les ingrédients pour que ça soit un peu ridicule et ça l'est jamais. Non. C'est très soyeux. Oui, exactement. C'est l'adjectif qui me vient. Ouais. Ça va bien, ça l'est bien avec leur chemise, d'ailleurs. Ouais. Voici donc. Et le coup de cœur ce soir alors, Owen Merlin, c'était sympa. Oui, c'était bien. Alors, je vais avoir du mal à retenir son nom. Faudrait qu'il prenne un pseudo. Mark Sheldon. Mais Owen, c'était bien. Très beau. Ouais. Proposition. Love, donc Maybe the People, et je n'irai pas plus loin. C'est du beau et il a raison, Sylvain. C'est bon. Go, and everybody, great. Ce soir dans The Rocks, le thème de la battle accompagné de Sylvain Trémaux ici présent est le beau. Et ça, c'est beau. C'est vrai que c'était très très beau. C'était donc Love avec Arthur Lee au chant et Brian McLean à la guitare qui était le demi-frère de Maria McKee, la chanteuse de Lone Justice. D'accord. Elle-même la cousine. La cousine du beau-frère. D'accord. Voilà, ça c'est une anecdote. Personne n'en a rien à secouer. T'es calé en anecdote. Je suis calé, je pense. En anecdote. Mais c'est vrai, tout à fait. Évidemment, toutes les battles, j'essaie de les commencer par un petit morceau de Beatles. Ça faisait longtemps. Et du beat des Beatles, il y en a du beau chez les Beatles. Et un peu ma théorie de l'émission ce soir, pas pour tous les morceaux, mais c'est que souvent le beau va de pair avec une certaine tristesse, solitude, ouais. Fin de parcours, truc un peu glauque, quoi. Un peu mélancolique. Un peu mélancolique, ouais. Bien sûr. Donc, on va se passer un extrait tiré de du dernier album enregistré par les Beatles, pas le dernier sorti, puisqu'ils ont enregistré Let It Be et les bandes ont été mises au placard. Ça a été une catastrophe. Tout le monde sentait que ça sentait le caramel. Et McCartney a dit, bon, on en fait un dernier, les gars. Il essayait de sauver le truc par tous les moyens. Et il a dit, voilà, on en fait un dernier, mais à l'ancienne, enfin à l'ancienne, c'est-à-dire il y a 2 ans. On fait produire ça par George Martin. Vraiment, voilà quoi, à Abbey Road, et on y va vraiment. Ok, donc ils enregistrent l'album Abbey Road, qui devait s'appeler Everest, je crois, au départ. Et donc, ils créent un morceau qui s'appelle Because, qui a été composé par John Lennon. Un jour, Yoko Ono était au piano, elle ne chantait pas, Dieu merci, elle jouait du piano la sonate au clair de lune de Beethoven. Et Lennon lui a dit, est-ce que tu peux la jouer à l'envers? Donc elle la joue à l'envers. Et ça l'a inspiré, la mélodie, cette mélodie de Because. Et pour moi, c'est d'une pureté incroyable. On reconnaît pas leur voix, c'est-à-dire que d'habitude, moi j'arrive très bien maintenant à savoir qui chante. Là, c'est un peu compliqué. Ils se sont mis tous les quatre autour d'un micro. Ringo ne chante pas, mais il était autour du micro assis. Voilà. Mais c'est déjà beaucoup. Pour lui, c'est déjà pas mal. Alors, je suis surpris d'apprendre quand même que Yoko Ono jouait du piano. Oui. D'accord. Bah oui. Et à l'envers en plus. À l'envers. Et donc ils ont enregistré ce morceau, ils ont enregistré leurs 3 voix entremêlées, ils ont énormément travaillé sur qui allait chanter quoi avec George Martin, ça a duré vraiment très très longtemps. Ils ont fait pas mal de prises et ils ont ensuite doublé chaque triplette, donc ça fait 9 voix en tout qui s'entremêlent. Et là, je vais vous passer la version qui ne figure pas sur l'album Abbey Road, mais qui figure sur l'anthologie où on prenait les chutes de studio. Alors parfois, les chutes de studio, c'est juste la prise 15 où le mec il tousse à la fin, mais là, c'est a cappella, on n'entend que leur voix, débarrassée de cet orgue qui est joué derrière, qui est un peu daté, on va dire. Et là, c'est la pureté même de ce morceau qui est une véritable merveille, je trouve. Voilà, que tu connais, évidemment. Mais je suis assez familier des Beatles, mais j'avoue que cet album en particulier, j'ai pas des masses fréquentées. Tu devrais. Ouais. Et donc, écoute ce morceau, et dans le genre harmonie vocale, on y reviendra dans l'émission, c'est quand même très beau. qu'on appelle un chant du cygne. Ce serait un très bon thème d'émission, chant du cygne. Chant du cygne, oui, oui, j'en ai quelques-uns ce soir. Ouais. Ce soir, le thème dans The Rock, c'est le beau. C'était beau, ça. Ah oui. Ça, c'était beau. Amen. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est vrai. Voilà, et donc c'est le choix maintenant de Sylvain Trémaux, et je ne vois que du beau sur Je vais rester dans le beau, c'est le thème de ce soir. Je vais rester dans les harmonies vocales, mais dans un autre registre, avec les Jayhawks. Ah oui, les Jayhawks. Très, très bien. J'adore ce groupe. Ah oui, moi aussi. J'adore ce disque. Il y a au moins deux chefs-d'œuvre dans la discographie. C'est l'Église Blanche. Non, c'est l'autre. C'est le Tronc d'Arbre. C'est le Tronc d'Arbre. Ouais, ouais. C'est-à-dire l'album Tomorrow of the Green Grass. On se comprend. Voilà, Tomorrow of the Green Grass. Ça date du milieu des années 90 à peu près. Ouais. Les Jayhawks, c'était un groupe country rock, on pourrait dire. Qui incarnait une espèce de renouveau d'une musique un peu authentique après les années 80 et les errements un peu toc-toc, clac-clac. Je me comprends. C'était produit par... Je te suis encore à peu près. Ouais, je suis encore à peu près là. C'était produit par un producteur qui était assez en vogue à l'époque, Georges Draculias. Oui, très bon producteur. Ouais. Les albums qu'il a produits sont tous à peu près bien. Bah, c'était un peu le spécialiste justement de ce son néo-classique en fait, où d'un coup les guitares se mettaient à ressonner comme des guitares et où les batteries sonnaient à nouveau comme des batteries. You Am I, très bon album de You Am I. Oui, tout à fait. Et oui, il a produit les trucs des Black Crowes, je crois. Exact, les meilleurs albums des Black Crowes au départ. Voilà, donc c'est toute cette époque-là. Moi, ce qui me fascine toujours dans les Jayhawks, c'est les harmonies vocales. Pour le coup, un autre registre que ce qu'on vient d'entendre là, mais cette alchimie indéfinissable, quoi. Où d'un coup, deux voix se complètent à merveille. Alors, les harmonies vocales, bon, il y a des trucs, c'est un petit peu de mathématiques musicales aussi, mais quand il y a le petit plus... Mais il y a une part de mystère. Qui fait que ça vient comme ça, ouais. Et on sent que ça vient spontanément, par magie, c'est toujours une épiphanie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et puis, alors cette chanson, Blue, c'est la chanson qui ouvre le disque, je la trouve absolument fabuleuse, dans une facture très classique, hein, mais... Voilà, ça fonctionne. Pour moi, c'est un disque aurait pu être parfait si les 12 à peu près chansons du disque avaient été du même acabit que les 3-4 premières, quoi. Il y a un début de disque que je trouve merveilleux, moi, qui m'enthousiasme à chaque fois. Voilà, The Jayhawks. Mais je partage ce choix. Très bien, c'est beau, je suis d'accord. Turn around, maybe one day, you're all that was there. Stood my arm through. Merci mon cher Sylvain Trémaux, parce que ça fait un moment que j'avais pas passé les Jeux. Donc ça fait du bien de rentendre ça. Feu Jeux, non? Peut-être que ça continue encore. Ça s'est reformé, je crois, un moment. Je sais pas trop. Il me semble que le line-up de départ Gary Lewis avait duré finalement peu de temps. Ouais. Il y a dû y avoir des bisbilles. C'est un groupe qui a dû perdurer, bon an, mal an. Je sais pas où on est. J'en sais rien. D'accord. Le groupe, je sais pas. Bon. En tout cas, ça faisait du bien. C'était Blue tiré de leur premier album. Non, c'était pas le premier. C'est bien le deuxième. Deuxième album. Ouais, ouais. En tout cas, c'était très très beau. J'ai vu que dans la liste de Sylvain Trémaux, ici même à ma droite, il y avait les Zombies. Groupe... Je l'ai mis au cas où, mais je me suis dit que tu aurais quelque chose dans ce goût-là. Groupe anglais, hein, non pas australien, comme je l'avais dit avec en face de toi il y a quelques lunes de ça. J'avais dit une grosse bêtise. Ben oui, je m'en souviens encore. Les Zombies, donc, qui ont livré un album qui était beau de A à Z, avec des faces B et des inédits. Merveilleux, il y a un double CD qui existe de un peu l'intégrale des Zombies de cette époque-là, qui est merveilleux. Ça s'appelait Odysseys and Oracles, qui a pas eu vraiment un énorme succès, donc ça s'est un petit peu cassé la figure, alors que c'était merveilleux. Et puis le chanteur, enfin un des deux leaders, parce qu'il y a Rod Argent également, mais lui il s'appelle Colin Blunstone, avec sa voix vraiment de éthérée, aérienne, absolument un peu voilée, qui moi me renverse à chaque fois. À 1971, a enregistré un album pendant un an qu'il a appelé One Year, c'était original, et qui est une merveille absolue de beauté de A à Z. Alors il y a des morceaux un peu plus enlevés, mais très évocateurs, très cinématographiques. Vous avez écouté Caroline Goodbye et vous gambadez nu dans les champs de au printemps. À quelle heure on peut te voir gambader nu dans les champs? Eh bien, ça sera sur les réseaux, vous verrez ça. Et donc cet album n'a pas eu. On peut faire des choses intéressantes. Pardon, je te coupe avec l'intelligence artificielle. Méfie-toi. Oui, méfie-toi du match retour là-dessus. J'aurais peut-être pas dû commencer à jouer. Sur cet album, il en a fait un autre qui s'appelle Ennismore juste derrière, qui est aussi beau pratiquement. Et puis ça a toujours pas marché, donc il s'est remis aux assurances. Je crois qu'il a bossé dans les assurances. Et les Zombies se sont reformés et avec de la musique un peu le syndrome des Kings, avec une musique un peu plus balourde, un peu plus compliquée. Mais alors cet album qui s'appelle One Year de Colin Blunstone, pour moi, c'est un des plus beaux albums qui n'est jamais sorti. Il vient de sortir un EP là ces jours-ci, quatre titres démos, donc je sais pas si c'est démos d'anciens morceaux ou quoi. Moi, de ce que j'ai vu du coup en cherchant un petit peu sur les Zombies, il y a un album qui est sorti en 2023 des Zombies. Mais il sort des albums tous les deux ans, mais c'est pas très bon, quoi. Ça, c'est un peu difficile. Mais là, Colin Blunstone en solo vient de ressortir un EP 4 titres où il y a marqué démos sur chaque morceau, et c'est la même voix, alors octave un peu inférieure, mais toujours aussi troublante. On va se passer peut-être pas le morceau le plus emblématique et le plus connu de cet album, qui ne l'est pas connu, l'album. Ça s'appelle Smoky Day, je sais pas si tu connais ce morceau, et il y a des cordes dessus qui sont incroyables, et je trouve que ce type d'arrangement de cordes, aujourd'hui on ferait ça beurrerait un peu épais, mais à l'époque on les retrouvait dans tous les albums comme ça de la fin des années 60, début des années 70. En France, on a le même son sur le premier album de Maxime Le Forestier, qui pour moi est une petite merveille. On l'a aussi sur le dernier album de Brel en 77, Les Marquises. On a ces cordes-là. Et là, le morceau s'appelle Smoky Day, et je suis pas tout à fait bilingue, hein, mais on y est là. On y est dans cette ambiance de brume. C'est parti, voilà Colin Blunstone avec Smoky Day, et ça, c'est quand même très très très beau. Yeah. C'est beau. Et oui, c'est beau. Et c'est ce que j'étais en train de me dire quand j'ai fait ma petite sélection. Je me suis dit que les cordes, ça y faisait beaucoup pour le beau comme ça. Plus que l'ocarina. Plus que l'ocarina. C'est vrai. D'être très, ouais, très loin d'ocarina, alors peut-être. Tu sais qu'on a déjà passé de l'ocarina ici. Le solo, rappelle-toi le solo de Wild Thing, c'était de l'ocarina. C'est vrai. Bon alors du beau maintenant. Ah du beau. Bon je vais pas enchaîner tout de suite avec Nick Drake. Du coup on va Nick Drake. Alors Nick Drake, je te le laisse. On va attendre. Et je veux bien que tu me laisses Simon et oui. Tom et Jerry. Oui. D'accord. Mais Nick Drake, voilà, forcément. Oui. Tu as fait allusion aux Kings juste avant. Du coup je vais enchaîner avec les Kings quand même. Ah. Tu parlais du syndrome des Kings, de l'évolution et tout ça. C'est vrai que les Kings ont traversé un peu les années. Il y a ce disque qui est considéré comme leur chef-d'œuvre. Village Green Preservation Society, c'est 68 à peu près. Hein. Je te disais juste après 67. Oui, juste après 67. Oui, je te disais en arrivant que quasiment tous mes trucs étaient 67. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, mais c'est doux. Voilà. C'est beau. On est ici parce que c'est beau. C'est beau. Bon, voilà. Et donc, sur ce disque, bon, il y a plein de chansons, mais il y en a une qui m'a toujours mis les poils en fait, qui s'appelle Animal Farm. C'est un point commun que j'ai avec le bassiste, parce que j'ai découvert que lui aussi, la première fois qu'il avait entendu la chanson jouée au piano par le chanteur, comme il s'appelle le chanteur, Ray Davis, voilà, merci. Oui. Avait été complètement stupéfait. Et moi, à chaque fois que j'écoute la chanson, ça me fait ce même effet. Il y a une espèce de candeur juvénile, cette chanson toute simple. D'évidence, ouais. Un rythme un peu bastringue, on a l'impression que Ray Davis tourne un carrousel, là, ça démarre lentement, laborieusement, et puis hop, ça se lance. Il y a un piano, oui, désaccordé derrière, et puis il y a ce refrain en apesanteur. Moi, j'imagine toujours de Ray Davis avec son sourire juvénile, ses dents du bonheur, là. Oui. C'est une chanson toute bête, toute simple. Alors, Animal Farm, ça pourrait faire penser au roman de George Orwell, donc un truc très politique, très engagé, mais pas du tout. Non, Animal Farm, c'est Martine à la ferme. Hein. Oui, c'est ça. C'est McCartney, plutôt. Hein. C'est ça. C'est... Alors, le groupe des Kings, et puis avec ce disque-là, notamment, c'est un petit peu, à un moment donné, le contre-pied avec la hype londonienne. Quoi. Il y avait quelque chose un petit chouille conservateur de retour à voilà une espèce de d'Angleterre bucolique idéalisée la cup of tea dans le genre ouais quoi. C'est ça un truc très pépère et je trouve très premier degré très enfantin dans cette chanson et je trouve ça très très beau c'est vrai voilà pour l'instant je suis d'accord avec tout. This world is big and wild and half insane. Take me where real animals are playing. Just a dirty old check with a hand of fire. Ça oui, donne... moi ça me transporte toujours. Tu vois, je remue la tête et les épaules comme ça. Oui. Ça donne envie de prendre le train sous la Manche, un peu. D'aller boire une cup of tea avec. Qu'est-ce qu'ils font, les frères Davis? Ils sont vieux maintenant. Ils vieillissent, quoi. Je sais pas ce qu'ils fabriquent. Oui, mais nous aussi. Mais nous aussi, on fait encore des trucs. Tu mais vois. Ils ont un peu 50 ans d'avance, quand même, oui. Sur nous, mais. C'est vrai, c'est vrai. Ce soir, le thème avec Sylvain Trémaux, c'est le beau dans On The Rocks, jusqu'à 20h30. On est à peu près à mi-chemin. Et là, je vais un peu plomber l'ambiance parce que des fois, le beau, c'est triste. Avec une chanteuse qui s'appelle Karen Dalton, qui est un peu plus connue maintenant, mais alors, elle est à son époque, la pauvre. Ça a été vraiment la loose totale. Je sais pas si tu connais Karen Dalton. Je connais surtout ses frères, mais. Les demi-frères de Marie Mackey. Cette chanteuse, au début des années 60, était un peu l'équivalent, vous allez tout de suite vous en rendre compte dans la voix, d'une Billie Holiday, mais dans le village aux États-Unis à l'époque où vraiment Bob Dylan perçait. Et c'était absolument magnifique ce qu'elle faisait. Elle avait une voix qui, moi, tu parlais de me coller des poils, moi, ça me les colle à chaque fois, une voix et une sensibilité absolument incroyable, mais une sensibilité telle qu'elle était complètement claustrophobe et qu'elle ne voulait pas enregistrer en studio parce qu'elle n'avait pas envie de rester enfermée dans un studio. Et elle a fini quand même par enregistrer un album pratiquement 6 ans après ses débuts dans les petits clubs, etc. Mais l'album est sorti en 1969, à l'époque où, justement, Dylan était passé à l'électrique, les Beatles c'était déjà fini, enfin, voilà, c'était la fin d'une époque, et elle livrait un album qui, en 62, aurait été vraiment un album, alors c'est un album intemporel, mais qui aurait tout ravagé. Mais là, zéro succès, passé complètement inaperçu. Deuxième album, même chose, complètement inaperçu. Et donc, elle a arrêté sa carrière à 34 ans, fini, terminé. Addictions diverses, dépression, et elle est morte du sida en 1993 à 55 ans. Et donc voilà, assez méconnue, elle a quelle été redécouverte. Histoire. Quelle belle histoire. Pour l'instant, c'est pas beau, mais elle a été redécouverte un petit peu dans les années 80, 90, on va dire. Des gens comme Étienne Dao sont assez fans, je crois. Et on va se passer donc ce morceau qui s'appelle Little Bit of Rain, qui est un morceau de Fred Neil. Vous allez entendre cette voix. Voilà, moi ça me terrasse à chaque fois, et ça fait partie des grandes injustices du rock. Mais si on oublie l'histoire sordide que je viens de vous raconter. Vous ne l'oublierez peut-être jamais, peut-être vous êtes traumatisé à vie. Eh bien, vous allez comprendre que ça, c'est vraiment très, très beau. Il suffit d'une guitare, d'une voix. Et voilà. Tu connais? Je ne sais pas. Pas du tout. Eh ben, absolument pas. Écoute-moi cette voix. Merci. C'est magnifique. Karen Dalton, donc, avec Little Bit of Rain. If I should leave you. Remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain. Mm-hmm. C'est beau. Mais c'est très beau. C'est très beau. Et elle est blanche. Ça vaut peut-être le coup de le dire parce qu'elle a vraiment une voix qui est très proche de celle de Billie Holiday. Ouais, tout à fait. Et ouais, voilà. Ouais. Donc c'est magnifique. Je vous conseille de vous plonger dans les deux albums de Karen Dalton. C'est très très beau. Tout est comme ça. Voilà. Bon. Eh ben, je vais rester dans le beau, mais ça va être encore le beau un peu sombre, ténébreux. Moi aussi un peu après. Aïe. Non mais après ça va repartir. Ah non, pas sûr. Attends. Bon. Radiohead. Ah, ça oui. C'est pour toutes les chansons de 2 minutes 30 que j'ai passées, je me suis accordé une longue chanson. Très bien. Voilà. How to Disappear Completely. Oui. Alors là, c'est une chanson qui aurait pu figurer aussi dans notre sélection de la couille dans le potage. J'ai pensé après. Parce que un des points intéressants de cette chanson, c'est le frottement, en fait. C'est-à-dire, il y a une note un peu parasite qui gratte un peu, qui, on sait pas trop, il y a quelque chose de malaisant. Comme du sable dans le maillot. Ouais, c'est ça. Et au moment où la chanson se réaligne dans l'harmonie, c'est Dieu qui perce les nuages, quoi. Tout ça au détour d'un gémissement là en voix de tête. C'est extraordinaire. Alors là, c'est une beauté. C'est la lumière noire, quoi. C'est une chanson quasiment de science-fiction. C'est assez spectral, quoi. Tout un programme métaphysique, quoi. Comment disparaître complètement. C'est super intéressant, ce groupe, parce que ils ont la beauté facile. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire des albums, enfin, aimables. Ouais, ouais, et beaux. Ouais. Et c'est une lutte permanente. Ouais. Pour casser le riff de Creep, c'est ça. Tout est par de là. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils font quelque chose de simple et de beau, ils mettent des choses parce qu'ils ont envie de casser ça. Donc, c'est une sorte de schizophrénie, ce groupe, à eux tout seuls, quoi. Oui. Et puis, il y a les cordes qui vont être là, on en parlait, mais qui amènent du désordre à un moment donné. Et c'est ce jeu entre désordre, chaos, frottement, et puis d'un coup, une espèce de pureté, quoi, qui crée en partie la beauté du truc, quoi. C'est ça, de la pureté et de l'accident. Ouais. Ouais. Ça s'appelle Radiohead. Et voilà, et c'est maintenant, et c'est tout de suite dans The Rocks. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Hein, on a beau savoir que ça va arriver. Mais quand ça arrive, ça fait du bien quand même. Ah ouais. Comme quoi, quelqu'un qui a été harcelé toute son enfance pour sa prétendue laideur arrive à transcender ça par le beau. C'était donc Radiohead et Thom Yorke avec sa voix incroyable, How to Disappear Completely. Vous êtes dans The Rock ce soir avec le thème, vous avez compris, c'est pas les poireaux vinaigrettes en écoutant ça, c'est le beau. Et c'était très beau. Merci. Au casque, ça, on s'envole presque, hein. Ça marche très très bien. Moi, je vais revenir à des choses un peu plus, toujours belles, mais un peu plus, classique, on va dire. On parlait d'harmonie vocale tout à l'heure, je te rejoins, j'allais en parler ce soir. Pour moi, la beauté des harmonies vocales, ça reste mystérieux et ça reste toujours réjouissant. Alors Simon et Garfunkel, on pouvait difficilement passer à côté, Tom et Jerry avec ce petit bonhomme avec ce physique de radio, mais ce talent incroyable qui s'est associé avec quelqu'un qui a un peu moins de talent de composition, une grande asperge, mais qui a une voix assez cristalline, et les deux voix ensemble, alors séparés déjà c'est pas mal, mais alors ensemble, c'est absolument miraculeux. Et par ricochet, on va rendre hommage à quelqu'un qui a fait vraiment du beau lui aussi, qui s'appelait Jason C. Frank, qui était un compositeur. Alors ça m'a un peu plombé l'ambiance comme Karen Dalton tout à l'heure, mais c'est un peu le même parcours, c'est-à-dire quelqu'un qui a été repéré par Paul Simon dans les années 60 et qui a voulu produire absolument un disque avec lui, et tellement c'était beau. Alors c'était un peu le syndrome à Elton John, c'est-à-dire que le physique allait pas avec la voix, avec les compositions. C'était un petit bonhomme replay un peu voilà, qui a fini un gros bonhomme replay. Et donc il a traîné en studio quand même Paul Simon, il a réussi à le convaincre, ce Jason C. Frank, qui composait des choses absolument merveilleuses et qui les chantait merveilleusement bien. Mais pareil, complètement flippé, il voulait pas qu'on le voie chanter en studio, donc il a fait ériger un mur. Art Garfunkel est venu pendant l'enregistrement, il a arrêté, il a dit non, vous me regardez, je peux pas chanter, c'est pas possible. Et puis il a fait un album qui a pas trop mal marché en 1965. Et puis après il est parti en saucisse complètement. Il a fait une tournée qui était catastrophique. Et puis il a fini SDF, 1984 SDF. Il est reparti aux États-Unis pour essayer de retrouver Paul Simon en 1984, et on l'a perdu de vue, on l'a retrouvé dans la rue, et il est mort en 1999 à 56 ans, complètement oublié. Paul Simon a quand même rendu hommage à Jason C. Frank. Outre avoir produit son album, il a enregistré une de ses compositions qui est peut-être son morceau le plus connu, qui s'appelle Blues Run the Game. Il l'a enregistré avec Simon et Garfunkel, mais c'était jamais sorti, et là ça vient de sortir dans des archives qui viennent de ressortir, donc justement avec ça a été enregistré en 1965 à l'époque de l'album, je crois, de Jason C. Frank. Donc voilà, tu vas peut-être découvrir ce morceau qui pour moi est une merveille, et en plus avec les harmonies vocales de Tom et Jerry, c'est vraiment très très bien. Vous êtes dans On The Rocks avec Sylvain Trémaux ce soir, et le thème c'est le beau. Écoutez-moi ça. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues will run the game. Send out for whiskey, baby, send out for gin. Me and room service, honey. Me and room service, babe. Me and room service, well, we're living the life of sin. When I ain't drinking, baby, you are on my mind. When I ain't sleeping, honey. When I ain't sleeping, mama. When I ain't sleeping, well, you know you find me crying. To England, baby, maybe to Spain, wherever I've gone, wherever I've been and gone, wherever I've gone, the blues will run the game. Living is a gamble, baby, loving's much the same, wherever I have played, wherever I throw those dice, wherever the blues will run the game. Maybe when I'm older, baby, someplace down the line, I'll wake up older, so much older, mama. Wake up older and I'll just stop all my trying. catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Voix beaucoup plus aiguë que celle de Jason C. Frank, mais allez écouter l'album de Jason C. Frank également avec la version originale de ce morceau, c'est une pure merveille. Voilà, c'est beau aussi ça. Oui, c'est beau. Il y a du talent derrière cette chanson. J'ai des talents, monsieur. Sylvain Trémoux ici même va donc passer à son beau suivant. Il y a énormément de talent dans ce que je vais proposer, dans un truc peut-être un petit peu plus réjouissant, quoique. C'est du bobo. C'est du beau. Ah, c'est du beau, du bon, surtout toute la ligne. Dusty Springfield. Alors là, 24 là, okay. Hours from Tulsa. Là, ok. Là, ok. Là, bon. Okay. Là, ok, d'accord. Alors, c'est beau parce que déjà, c'est Dusty Springfield et que Dusty Springfield, bah, c'est beau. Ça chante. Comment la présenter. C'était un peu une perle de la Blue Eyed Soul anglaise. Voilà, qui a fait un petit bout de carrière aux États-Unis dans les années 60, début années 70, qui a assez vite décliné, sombré aussi. Bon, elle n'a pas fait grand-chose après. Ouais. On l'a un peu oublié. Mais une voix extraordinaire, comme à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire une technique vocale stupéfiante, mais en même temps quelque chose de vivant, de rugueux. Et puis voilà, c'était à des années-lumière des traitements vocaux de maintenant. Donc ça, c'est pour l'interprète. C'est beau parce que c'est une chanson de Burt Bacharach. Et souvent Burt Bacharach, c'est beau. Bah oui. Alors on est dans le soyeux, dans le propre, mais c'est imparable parce que les mélodies sont à tomber par terre. Il y a des arrangements de toute beauté. Derrière, il y a des musiciens incroyables, jusqu'à la réverb, moi, dans cette chanson que je trouve magnifique, c'est pour te dire. Voilà. Et puis c'est beau parce que la chanson en elle-même, je trouvais très belle. Alors 24 hours from Tulsa, à 24 heures de Tulsa. Tulsa, c'est en Arizona, si je dis pas de bêtises. Il y a un côté très cinématographique dans cette chanson. Alors c'est une chanson, j'ai pas dit, c'est qui a été interprétée pour la première fois par Jeannie Pitney, je sais pas comment on dit, Jeannie Pitney, une sorte de d'Hervé Villard à l'américaine, on voit bien, du coup. Ouais, oui. Mais pareil, super bon chanteur. Pareil que qu'Hervé Villard. Que Dusty Springfield, mais Hervé Villard aussi, après tout, un peu zazou, mais amidonné quand même, tu vois, très zazou, amidonné, très propre, enfin, tu vois, le costard, c'est les chanteurs pré-Beatles en fait, tu vois, les chanteurs pour jeunes, mais adoubés par les parents, quoi. C'est ça, le genre idéal. Voilà, et puis un style, très propre, très arrangé, donc très voilà, on n'est pas dans le rock'n'roll là pour le coup, hein. Voilà, la version de Dusty Springfield est un chouï plus soul, voilà. Et puis donc la chanson en elle-même, j'avais jamais trop prêté attention en fait au couplet, je m'étais toujours focalisé sur le refrain qui dit en gros je suis à 24 heures de la maison, quoi, je suis à 24 heures de Tulsa, moi je pensais j'arrive. Je suis à 24 heures de tes bras, voilà. Et en fait, c'est l'inverse, ça dit l'inverse. C'est en fait. Je m'en vais. C'est je m'en vais, ouais. J'étais à 24 heures de Tulsa, mais en fait, je reviens pas. Et je pars pour toujours parce que, sur la route, là, puis on a l'image du désert, ce décor de western, là. J'étais sur la route et puis je me suis arrêté dans un motel et puis j'ai croisé ce gars-là pour Dusty Springfield, pour Jeannie Pitney, c'est cette fille-là. J'ai demandé où est-ce qu'on pouvait manger, on a mangé ensemble, on a dansé et je reviendrai plus jamais, quoi. Et est-ce que c'est une espèce de tranche de vie comme ça? J'ai découvert que Claude François avait martyrisé la chanson en proposant sa version. Il a passé sa vie à martyriser la chanson. Sous le titre Maman chérie. Maman chérie, hein, tu me l'avais bien dit, cette fille-là est pas gentille. Voilà. Donc n'importe quoi. Voilà. Oui. Mais la version américaine. Je préfère un bon choix plutôt que Claude. Très bien. Voilà. Et pareil, moi, c'était un peu mon fil rouge pour mes sélections. C'est les poils que ça m'a donné dès la première écoute, en fait. Alors, la grande idée avec Dusty Springfield, c'est d'avoir pris cette voix de Sol Blanche et de l'avoir à coquiner avec des musiciens noirs. Ouais. Et ça a donné l'album Dusty in Memphis, qui est fabuleux. C'est le choix de Sylvain, mais ça aurait pu être le mien. Pour l'instant, je suis d'accord avec tout. Bon. Je signe tout. Ça chante juste, hein. Et en même temps, c'est pas propre, enfin, c'est même rugueux. Bah oui. Et sur une échelle, là, entre le grave et l'aigu, une amplitude de dingue. Et on reconnaît la patte de Barbara Cara. Ouais, bien. Bah ouais. C'était beau. C'était Dustin Springfield avec 24 Hours from Tulsa. Je vais continuer avec eux. Alors, le beau. Parfois peut surgir, on s'y attend pas forcément, et le beau vous saute au visage et vous êtes tout tremblotant après. Et ça m'est arrivé quelques fois en tant qu'animateur de cette émission, où je tends mon micro à certains artistes qui ont une petite guitare en bois sur les genoux, et des fois c'est vraiment super, et des fois c'est plus que vraiment super. Alors ça m'est arrivé, j'en aurai pas le temps, mais j'avais prévu également le morceau que m'avait joué Pierce Faccini dans une petite salle un peu pourrie de la salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle avec les mecs qui faisaient la vaisselle à côté. Je suis obligé d'aller les voir en disant et pour arrêter de faire la vaisselle juste 3 minutes 27. Et il m'avait fait Half of Me qui était magnifique. Et ben là, je vais vous passer un petit morceau enregistré lors du festival Hop Hop Hop à Orléans, ici même, en 2021, avec une artiste qui s'appelle Bloomy, qui pour moi est une des artistes récentes qui m'a le plus enthousiasmé, qui m'enthousiasme le plus. Je connaissais pas grand chose d'elle. J'avais un morceau que j'avais vraiment trouvé super, j'avais demandé à faire l'interview, j'avais 2-3 morceaux qui étaient vraiment super, et donc voilà, puis je lui dis, est-ce que ça te dirait de faire un petit morceau live, quoi? Ah bah, faut trouver une guitare, donc on a trouvé la guitare à l'arrache, des boogers, je crois, qui avaient filé la guitare, voilà, dans une salle qui était en bordel incroyable avec des gens qui rentraient, qui sortaient. Et c'était une salle avec une lumière où, comme dans les toilettes, vous savez, quand on reste un peu longtemps, on est obligé de faire des gestes et de danser pour que ça se rallume. Donc là, c'était ça. Donc j'avais le micro dans une main. Vous imaginez la main qui fait ça de l'autre côté. Et elle, qui m'a livré ce morceau, Circles, elle était un peu toute tremblante aussi, elle avait un peu le trac. Et elle m'a livré ce morceau, Circles, elle m'en a fait le cadeau de deux. Les deux étaient magnifiques et j'étais pantelant de tellement c'était beau ce moment et ce morceau à un moment suspendu et puis après le morceau se termine hop et voilà on remballe le micro c'est le bordel c'est à nouveau au pop-up les verres de bière qui se renversent et là c'était vraiment un moment d'une grande grande beauté et depuis elle m'a fait le cadeau de m'offrir ce morceau je crois que c'est celui-là pour les 30 ans de l'émission elle m'a dit bah celui-là il est à toi puisqu'il t'avait plu quand je te l'avais enregistré je te le enregistre et il ne sortira pas il est qu'à toi donc c'était vraiment très bien. que pour moi voilà c'est ça c'est parlé donc ça s'appelle Bloomy j'ai rien calé j'y vais et ben vous allez voir que alors ces morceaux sur album c'est plutôt avec il y a un petit peu d'électro il y a un petit peu de voilà et là c'est juste guitare voix et c'est à tomber par terre c'était un moment d'une grande beauté pour moi c'est parti vous êtes dans The Rocks. Okay. I think I lost it all my brain and all thoughts with it making a run for the back door. Nothing inside will respond or keep me satisfied. I come out just in strange outcomes. Bet some war could be like. I think I lost it all. My heart and all love's with it are out talking on the road. What a sleep dance to get there. This piece by piece into me. I advance and you receive it. The sea falls back contentedly. Passing by, I don't last. With time passing by, I Voilà, c'était Bloomy avec Circles, enregistré en concert en 2021 au Pop-Up. C'était joli avec du bruit partout autour, mais c'était très beau. Et même les pins sont beaux quand, quand c'est beau. Avec le petit sourire derrière. Désolé. Ouais, exactement, t'avais l'image. Ouais. C'est à toi, mon cher Sylvain, l'heure tourne. Eh ben, je vais continuer. Tout à l'heure, je parlais de du Sunset Boulevard de Los Angeles, d'Hollywood. Parmi les gens qui écumaient les clubs de cette artère, le Troubadour, le Roxy, les Whisky à Gogo, il y avait Tim Buckley. J'ai bien dit Tim Buckley. Le daron. Le père. Le père De Jeff Buckley qui nous a marqué dans notre jeunesse, je suppose, toi aussi, parce que c'était... Oui, j'étais très, j'ai dit à ce micro, je m'en voudrais toujours, c'est trop beau, il va mourir jeune. Bah ouais. Il aurait mieux fait de me taire. Bah son père avait déjà initié le truc un peu, en fait. Alors son père, lui, il a loupé le club des 27, ce con, en mourant à 28 ans d'une overdose, évidemment. Hein. Tim Buckley, comme plein d'autres, c'est un gâchis, quoi. C'est des gens qui ont fait des trucs magnifiques. J'avais prévu Janis Joplin, moi, que je ne passerai pas, j'aurais pas le temps, mais voilà. Mais voilà. Ouais. Même période, même époque, même contexte. Lui, il a commencé dans une veine folk, c'est une espèce de bar de un peu hippie. Il a fini dans une veine aussi. Voilà, il a fini dans une autre veine. Bon, il a fait des disques mélangés musique psychédélique, un peu de jazz aussi, voilà. Et il y a cette chanson que je trouve magnifique, Morning Glory. On pourrait traduire par. Par monter le chapiteau. Vive la Gaule. Voilà. Mais c'est beau quand même. C'est beau quand même parce qu'il y a des arrangements magnifiques avec une espèce de vague de cordes là. Une chanson un peu en suspens. La mélodie est pareil. En très haut, en altitude, c'est une voix d'alpiniste, ouais. C'est pareil, lui, c'est un chanteur qui avait un registre vocal très étendu. Hein. Ouais. Alors ça, c'est la version arrangée. Il y a une autre version qui existe, qui a été enregistrée sur un plateau télé avec guitare acoustique, une guitare derrière, un peu de jazz, et puis un mec qui fait des petites clochettes derrière, qui est aussi magnifique. Voilà. Bon, c'est très très beau. C'est très beau, Tim Buckley, c'est vrai. Mais c'est un peu triste aussi, comme d'habitude. Ouais. C'est parti. I lit my purest candle close to my window, hoping it would catch the eye. If any vagabond who passed it by, and I waited in my fleeting house. Before he came, I felt him drawing near. As he neared, I felt the ancient fear that he had come to wound my door and cheer. I waited in my fleeting house. Tell me stories, I called to the hobo. Stories of cold, I smiled at the hobo. Stories of old, I knelt to the hobo. Said the hobo, no more tales of time. Don't ask me now to wash away your grime. I can't come in because it's too high a climb. And he walked away from my fleeting home. Thank you. pourquoi ça marche, ça? Parce que ça pourrait, pareil, ça pourrait, ouais, ça pourrait aller dans le Bambi un peu. Ouais, et ben non, c'est miraculeux, quoi. C'est très, très en apesanteur aussi, ouais. Alors c'était pas des cordes, finalement, c'était des chœurs. C'était des chœurs. Et oui. Céleste. Avec du flutio. Céleste. Et du flutio. Il y avait du flutio quand même, hein, faut le dire. Ouais. Mais du beau flutio. Ouais. Parce que ce soir, c'est beau. Je vais vite, pour que t'aies le temps de faire un dernier morceau, avec, le crépuscule, c'est beau. C'est beau, aussi, le crépuscule. Ouais. Et un des morceaux les plus beaux crépusculaires, c'est le Redemption Song de Bob Marley, qu'il a enregistré alors qu'il était déjà bien atteint par le cancer. Et ça ressemble pas à du reggae, ce morceau. Ça ressemble à de la folk, plutôt. Mmh. Et c'est un morceau absolument bouleversant de Bob Marley que tout le monde connaît. Mais il y a une version encore plus bouleversante. C'est celle enregistrée en 2002 par Johnny Cash et Joe Strummer, qui se sont mis autour d'un micro, du micro de Rick Rubin. Et, voilà, c'était les albums testamentaires de Johnny Cash. Lui se savait complètement cuit. Et il a enregistré ce morceau alors qu'il savait qu'il en avait plus pour très longtemps. Et donc, Joe Strummer, qui passait dans le studio à enregistrer cette Redemption Song avec Cash, ils ont enregistré chacun leur version. Lui, il chantait tout seul, l'autre chantait tout seul. Et ils en ont fait une version à deux. C'est celle qu'on va se passer maintenant. C'est en 2002. Et effectivement, Johnny Cash est mort en 2003. Il était mourant. Il le savait au moment de l'album, de l'enregistrement de cette chanson. Et Johnny Cash aussi était mourant. Strummer était mourant aussi, le chanteur des Clash. Mais il ne savait pas, puisqu'il est mort d'une crise cardiaque avant Johnny Cash, à la fin de cette même année 2002. Donc, je crois que c'est un des derniers morceaux enregistrés par Strummer. Et bah ça, dans le genre, ça me colle les poils. Celle-là, elle est pas mal. Je pense que tu la connais, cette version. Ouais. Bah c'est parti. C'est beau, mais c'est triste. Mais c'est beau. Mais c'est triste. Ben oui. Mais c'est... Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob. Bon, je sais, c'est un peu un crime ce que je vais faire, mais si je veux que Sylvain ait le temps de passer un dernier morceau, oh bah, c'est gentil. Je vais squeezer un petit peu, mais allez, écoutez ça en entier. Johnny Cash, Joe Strummer, des Clash avec Redemption Song. Je n'aurai pas le temps de passer Janis Joplin, Tom McRae, qui m'a enregistré le Kite Song, rien que pour moi. Et pour On The Rocks, Nina Simone avec Strange Fruit, ça c'était pas très rigolo non plus. J'avais plein de l'autre, Michael Jackson, prépubère. Enfin, tout ça, on verra une prochaine fois. Et là, c'est le dernier choix de Sylvain Trémy. Ah, j'en avais plein aussi, au j'ai cas où. J'ai vu que t'avais du Jude, c'était bien. Oui, même, j'en avais un long, un court, au cas où, tu vois. Oui. On passait le cours, du coup, You Mama You. Ah oui. Hein? Avec une diction. Oui. Accrochez-vous, les amis. Un phrasé de dingue, et puis, une voix quasi. Pardon. Une voix un peu plus aiguë que celle de Johnny Cash. Oui. Et donc. Une chanson magnifique. Bah, magnifique, sur un album absolument magnifique de ouais. A à Z. Ouais. Et une trajectoire un peu. Disque disparu des radars, là. Ouais. Un peu, c'est dommage parce que c'était vraiment un talent à l'état brut. Ça s'appelle Jude, You Mama You, tiré de son album, son premier album est remis sur le deuxième album. Merci beaucoup, Sylvain. Mais merci à toi, c'était beau. C'était beau. On a pas déraillé jamais. On a un peu ricané sur une photo de Jason C. Frank, mais c'est tout. C'est à peu près tout. Au mois de juin, si le cœur t'en dit, avant l'été. Oui. peut y avoir une autre. Je vous laisse avec Rémi de la rédac du sport, juste après ce morceau de Jude, qui, Rémi, est déjà en train de s'échauffer pour les matchs de demain soir. Il en est, il est chaud. Il est chaud. Il est très chaud. C'est parti, je vous retrouverai, moi, le 13 mai. Ça va faire long, hein, jusqu'au 13 mai. Et le 13 mai, ce sera la deuxième édition de Quij. Quij! Émission, lancée par Sylvain Trémaux ici, même l'idée originale, avec un casting. Sylvain ne sera pas là. Et donc, forcément, ça sera moins bien. Mais il y aura un casting de 3 étoiles quand même, avec il y aura David Fecknam, guitariste chanteur, il y aura Rivka, pianiste chanteuse, et il y aura Bill Robb, président de l'Astrolabe et du Monde et de l'Hop-Hop-Hop, qui viendront chroniquer 4 petits albums. Je ne vous en dis pas plus. Je peux vous dire qu'il y aura, qu'est-ce que je vous dis, il y aura l'album des Black Keys. Voilà, pour le reste vous verrez ce qu'ils en diront. Je vous retrouve donc dans quasiment un mois, et je vous laisse avec Jude, et ça j'aurais pas pu mieux choisir, car c'est un de mes albums de chevet. You Mama You, merci Sylvain. Merci à toi. When I was young and pushed around and beaten up and beaten down, who'd I run to, mama, tell me who? And as I grew to be a man and all the world held such a land, I did what I thought I just had to do. It was you, mama, you, it was you all along, it was you I ran away from, I was wrong. And if I could have changed my life, I swear to God I'd cut out with a knife, with a glue stick, I'd reapply it in a song. In laid back Kerouac, never had no heart attack, drinking and thinking about places ran back to. The Moloch is an old man, the Moloch is love like Ben and Four Creek Snack. Remember his friend Jack, mama, sometime, and I remember you. It was you, mama, you, it was you all along, it was you I ran away from, I was wrong. And if I could have changed my... The excuse and the news with the coffee grounds, I found places and traces of a storybook world. And I went out there for a ride on the misty coast, put the holy host on the Mickey D's American flag and it's unfurled. It was you, mama, you, it was you all along, it was you I ran away from, I was wrong. And if I could have changed my life, I swear to God I'd cut out with a knife, with a glue stick, I'd reapply it in a song. Home for a while, so I can.